Nous sommes le mardi 28 mars. Vous écoutez On a juste une vie, épisode 358. Je suis Narf. Je suis Blob. Je suis Anne-Marie. Et là, si jamais je disparais mystérieusement, c'est parce que ma carte graphique n'aime pas mon power supply ou quelque chose comme ça. En tout cas, ils ont discorde. Il y a du conflit dans ton ordi. Un peu de discorde et de conflit, et des fois mon ordi gèle, reboot randomly, ou des choses comme ça. Fait. Ce qui est spécial avec les ordis, c'est que quand ils ont trop chaud, ils gèlent. Spécial. Oh là là là là, on commence en pas. Ben, c'est vrai que quand c'est hot, c'est cool. Oui. Ouf. C'est qui a dit ça? Moi, en force. C'était Blob. J'avais dit ça quand on faisait un concours d'oxymore. Fait que, ouais. Mais sinon, Blob nous a surpris en arrivant ce soir en disant « J'ai un sujet. » Qui avait rapport avec des grenouilles pis des choses comme ça. J'étais comme « Ok. » Fait que, qu'est-ce que tu veux nous parler, Blob? Wow, quelle introduction. Et qui, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, fait que ceux qui sont les fiers participants du Discord dans le Juste une vie ont peut-être vu le canal Sujet du mois. Il a commencé il y a quelques mois et vous avez ça, sûrement marqué. On est juste deux? Il y a juste deux mois. Il y a eu juste deux sujets du mois, mais il y a eu plusieurs mois qui se sont écoulés. Ben, c'est ça. Fait qu'on va expliquer ça aussi. Mais avant, okay. C'est quoi le sujet du mois? C'est juste que je voulais une façon de partir les sujets, que les gens du Discord puissent nous tirer des anecdotes, qu'on interagisse un petit peu là-dessus, puis ensuite, pour ceux peut-être qui sont moyennement intéressés par faire partie de ça, peut-être vous encourager à vous joindre en vous racontant qu'est-ce que les gens ont dit. Finalement, c'est comme un vox pop, j'imagine. Moi, je suis arrivé avec des idées moi-même que je vais vous partager, mais les autres ont renchéri. Fait que le but de tout ça, c'est pas nécessairement d'avoir fermement un sujet à chaque mois. Je me suis dit, si je fais 8 sujets dans l'année, ça va ressembler à un par mois quand même dans l'action des choses. Il n'y en a pas vraiment eu pour le mois de mars. Sauf que autour de fin décembre, début janvier, on en a fait un, c'est celui de ce soir. On va parler des jeux qu'on joue au travail ou en travaillant. Hein, parce que pas juste travailler dans la vie hein, aussi, faut s'amuser. Hein, surtout que. Ben, peut-être pas en se concentrant sur quelque chose d'important qui empêche quelqu'un de pogner en feu, mais en tout cas, on a tous des bébelles au travail. Les gens font des petits dessins et des niaiseries qui collent sur les portes. Soyez responsable en jouant en travaillant quand même. Ouais, c'est ça. Ou jouer en travaillant juste quand il y a des temps morts ou pendant vos temps de pause. Ouais. Ben, à moins que ça mette personne en danger, là. On n'est pas là pour vous dire quoi faire finalement. Mais gardez tout le monde en santé. Fait que sinon, on a aussi, comme pour le mois de février, façon de parler, vu que c'est le mois de l'amour, on va parler de jeux coop un petit peu. Fait que les gens nous ont partagé c'était quoi comme les premières affaires qu'ils ont faites en coop dans leur vie. Ça va être la prochaine fois. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est ça. Je suis comme, ah oui, on avait parlé de ça. C'est ça. On a fait ça sur Discord, je m'en souviens plus. Ah oui, les jeux de coop. Donc, on a fait deux sujets du mois, mais on Blob, les a encore passés à l'émission. Blob, il organise des affaires dans le podcast, puis il nous en parle pas. Non. Puis il nous en parle, puis on oublie. Puis là, deux mois plus tard, it's happening. Puis là, oh, allô? C'est correct, ça. Ben, j'avais pas vraiment besoin d'en parler en long et en large, là. Je me suis dit, je suis capable de le faire. Mais là, c'est quoi ça, le Golden Split? Parce que t'as écrit ça dans la description. Ouais, je peux le garder pour la fin. Mais c'est un autre sujet, là. Un sujet à la fois, Narf. Ok, excusez. Sinon, on va se perdre. Mais là, c'est comme ça qu'on passe pas à travers nos sujets, parce qu'on les skip comme ça. Okay. Ouais. Moi, je suis le pire animateur. Moi, je te fais... Au lieu de t'aider à enchaîner tes sujets, moi, je te fais déchaîner tes sujets. Yep. Et voilà. Ouais. Mais sinon, on a des gens qui participent au podcast et qui ont été là comme chroniqueurs et sur le Discord. Fait que la première suggestion est bien sûr arrivée de JF Farceur, qui est arrivé et qui nous a dit que dans un job de programmeur, il y a eu une place où il y avait un bug jar. Quand tu as un bug jar, c'est que si tu trouves un bug dans le code, t'es supposé mettre un petit peu d'argent dans le pot. Puis pire est le bug, plus tu mets d'argent, en principe. Tu l'as trouvé ou faut que tu l'aies fait? Ben là, ça, je suis pas sûr. Je vais continuer juste de relater qu'est-ce qu'il nous a donné comme information, puis je pense qu'on a le droit de compléter l'histoire puis d'agrémenter. Je pense que c'est permis. C'est vrai, non, c'est pas clair, je vais le trouver, là. C'est pas clair. Je me souviens qu'on en avait discuté dans le thread, fait que ça, la réponse doit être en dessous. Mais c'est sûr que c'est pas... Si tu trouves un bug, tu mets de l'argent. Ben non, parce que d'habitude, trouver un bug, c'est ce qu'on veut que tu fasses. Fait que, ouais, peut-être okay. Que celui qui trouve le bug, lui, il ramasse l'argent de celui qui trouve le bug. C'est ça, fait que c'est... Quand quelqu'un trouve ton bug, il te force à aller mettre de l'argent, genre. Ouais, c'est ça. C'était pas forcé, c'était comme participatif, là. Fait que bon, qu'est-ce qu'on racontait exactement? Ah oui, il y avait aussi des activités plates, là, comme un jeu d'art dans la cuisine, puis des tournois de cartes, là, des affaires normales, là, qu'on peut pas entendre parler. OK. Par contre, il dit que les dards, c'était quelque chose, parce que des fois, ils rebondissaient sur le métal, puis ils revenaient vers les gens qui étaient en train de dîner. Puis il a fallu, genre, qu'ils arrêtent parce qu'ils faisaient des trous dans le plâtre après qu'ils aient refait le mur. Oups! Fait que, ouais, les dards, c'est les cool. Pubs, mais... Est-ce que, genre, ils font juste faire « OK, j'accepte que ce mur va être plein de trous? » Sûrement, sûrement. À un moment donné, tu dois pas être capable de contrôler tout ça. Qui c'est qui s'est dit, genre, « Hey, on est tous sous, fait qu'on va lancer des objets pointus. » C'est une tradition probablement millénaire. Du monde déjà sous. Ouais, peut-être. Oh mon dieu. C'est tellement une vieille tradition que depuis personne qui s'en rappelle probablement. Là. Je pense que tu peux mettre comme un gros liège qui fait tout le mur puis du tapis là, dessus, sur ouais, le mur, ça doit former les dards. Je me dis, il doit y avoir quelque chose là, que tu peux mettre pour protéger. Tu mets un super aimant au néodymium en arrière du centre de la plate puis toutes les dards vont aller là. Oh oh. Oh oh. Ok. Fait que Jeff nous disait que tu mets une scène si c'est un bug du dude qui est parti pis que personne aimait tant que ça parce qu'il était comme un peu trop fier de qu'est-ce qu'il faisait. Tu sais, comme trop fier, comme mais y a pas d'affaire à être fier, je pense que c'est ouais, ça qu'il veut dire. Ouais, parce qu'il y avait des bugs, là, ouais, c'est ça. J'imagine que c'était ça. Si tu trouves le bug, tu mets pas d'argent pis le gars, s'il est parti, il mettra pas d'argent. Ouais, mais là, c'était juste pour être drôle, là. Il était comme, on va rajouter une scène. Si c'est ton collègue, toi, tu mets 5 scènes. Si c'est le testeur qui le trouve, ça s'est rendu plus haut, là, faut que tu mettes 10 scènes. Là, si c'est le client, c'est 25 scènes. Puis si jamais c'est grave chez le client, ben là, tu mets une pièce, là, quand même. Fait que c'est ça. C'est bon, ça. Il mentionnait aussi qu'à un moment donné, le gars, il est revenu dire bonjour, puis il a demandé si des scènes noires, c'était ses bugs. Il dit, on s'est regardé puis on s'est dit, on lui dit-tu que les une scène c'était pour chacun de ses bugs puis il y en a autant en valeur d'argent qu'en 10 scènes. Mais il dit, il n'y a jamais vraiment eu tellement d'argent là-dedans parce qu'il faisait de la qualité. Ouais, puis c'est triste, je réalise voilà. Qu'on sait pas la fin de l'histoire. En fait, la genre à bug, elle a-tu servi à acheter de la pizza ou tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait avec là? Ben, c'est ça, il dit qu'il n'a jamais eu tellement d'argent. Fait. C'est dommage. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de bugs, finalement. Ou il les trouvait juste pas. Oh oh! Oh, mais ah, client ben, oui, non plus. Sûr. Ça veut dire que le client non plus. Fait. Ben, le client, peut-être qu'il les trouve, mais il est trop paresseux. Comme... Parce que le client, tu sais, mettons, il y a le client, celui qui paye pour acheter le logiciel, mais après ça, il y a les utilisateurs, puis là, les utilisateurs, peut-être qu'ils vont pas rapporter les bugs. Mm. Ben, des affaires qu'on utilise à la job qui sont pleines de bugs, puis je suis comme, je sais pas à qui les rapporter, fait que je m'en crisse, puis les bugs restent là depuis 4 ans. Oh non, c'est triste. Oui. Oui. Et je suis pas du tout passif-agressif en ce moment. On a entendu parler hein, d'un bug d'imprimante qui a duré minimum 8 ans puis qui changeait des chiffres sur des documents. Hein? Ça aussi, c'était GF qui avait partagé ça comme dans les nouvelles ou dans le général. Pour vrai? Certains scanners Xerox, la compression, elle faisait qu'ils pouvaient compresser par caractère. Fait que s'ils compressaient les 6 puis les 8 ensemble, quand ils restituaient, ils pouvaient restituer toutes des 8, incluant sur tes 6, d'une manière qui n'est pas détectable à l'œil ni par d'autres moyens. Mais Et non! Ça devient impossible de savoir ce qu'il y avait en dessous du 8. C'était aïe, peut-être aïe. Un 8, c'était peut-être un 3, c'était peut-être un 6. J'ai manqué ça. Puis, c'est ça a duré pendant 8 ans, puis il y aurait eu des indices que Xerox était au courant puis ne faisait pas grand-chose pendant bien longtemps. Ah non! Aïe, aïe, puis, j'ai manqué ça. Ouais, j'ai trouvé un scanner de ce type-là, puis quand je l'ai essayé, apparemment, il a été patché. Ok. Que là, on est quelques années plus tard, quand même, mais... Ben, c'est... Je pense que, c'est comme... C'est pas tous les 6, là, c'est genre... Non, non, mais comme... ça pouvait être beaucoup de 6. En certains cas, ça dépendait de la police que tu utilises, de la dimension, puis tout ça, là. Ouais. Ouais. Fait qu'il y a potentiellement des gens qui ont eu des records médicaux modifiés sans le savoir, des trucs, là. Quel cauchemar. Il y en a peut-être pas eu tant que ça, mais ça va être vraiment difficile de savoir combien. Ouais, c'est ça. Comme who knows? Aujourd'hui, je sais pas si c'est vous autres qui avez partagé ça après, mais comme, tu sais, aujourd'hui, là, on entend parler là, du upscaling avec des AI qui vont comme prendre ton image puis vont augmenter la résolution. Ouais. Ouais, ils inventent des détails. On s'entend que c'est ça qui se passe. Ils inventent des détails. Ouais. Ça, comme, ça va donner des choses comme ça, sauf que ça va être, tu sais, ça va être visuel. Mais ça va être visuel, mais ça va être comme, tu sais, tu prends il va avoir des erreurs de reconnaissance d'écriture, puis ça va mal reconnaître, puis là, ton 6 va devenir un 8. Il va, tu sais, ou ça va être des photos qui vont être complètement transformées. Je me semble que j'avais vu des images où est-ce que, tu sais, il disait, ah, le problème avec les caméras de surveillance, c'est que, tu sais, tu filmes, mais la caméra, elle filme tellement large que les personnes, ils sont tout petites, puis, tu sais, ils ont pas une super bonne résolution parce que, tu sais, sinon, ça prend trop de place, puis ça coûte cher. Fait que, ils prennent des petites images, puis là, mais là, quand ils veulent amener ça devant le jury, ils sont comme, ouais, mais pouvez-vous grossir? Puis là, ils grossissent, mais c'est tout blurry, c'est tout flou. Mais là, ils disent, ah, mais on va utiliser les AI pour, comme, ramener les détails dans ces images-là. Puis, tu sais, comme, ils ont fait des tests, puis, tu sais, la compagnie vend ça, genre, ah, oh, regardez, ça va tout régler, puis comme, quand t'arrives pour l'utiliser, tu sais, comme, une personne de dos va être mis de face, genre, ils font, oh, ça ressemble à une personne, ça, fait qu'on va coller une face. On va coller une face ici, puis, mais la personne est de dos. Fait que oh, là, ouais, elle est de dos, mais parce que c'est comme ses cheveux avaient l'air d'une face, un peu. Ou ben, c'est... Elle passera jamais en cours de justice, là. Oui, mais c'est parce qu'on le saura pas. Comme, m'a donné un autre exemple. Les appareils, c'est Samsung, les appareils photo des téléphones Samsung, je pense, qui ont commencé à améliorer tes photos. Ah, c'est vrai, faut que j'essaye le mien avec ça, il fait peut-être la même chose. Avec la Lune. Il prend des excellentes photos de la Lune. Ils prennent des excellentes photos de la Lune. Pourquoi? Parce que c'est pas la vraie Lune. Il fait juste reconnaître que c'est la Lune, puis genre crisser la Lune. Crisser une version high-res de la Lune à place pour... C'est ça, mais pas complètement high-res, juste comme à mi-chemin entre une belle lune puis la résolution réelle de ta photo. Ça fit dans ta photo quand même. C'est surtout que, c'est sûr que quand tu prends une photo de la lune, tu sais, tu veux pas la tu sais, c'est dur de prendre, tu sais, c'est tout noir puis il y a un point blanc, fait que là, ton optique, il sait pas à quelle ouverture se mettre, puis là, fait que là, la lune, c'est comme un gros point lumineux qu'on voit rien. Mais au lieu de régler le problème puis de dire genre, ah, oh, c'est une photo de la lune, fait qu'on va ajuster l'optique, mettons. Et en fait, non, on va juste photoshopper une lune par-dessus. Samsung, ils disent que c'est pas ça qu'ils font, mais c'est pas mal ça qu'ils font. Mais c'est ça qu'ils font. Ouais, je veux dire, il y a quelqu'un que... qui a pris une photo. Il a affiché une photo de la Lune sur son écran d'ordi. Il a pris ça en photo. Puis là, ça l'a détecté que c'était la Lune. Ça l'a mis une version high-res de cette fausse Lune-là sur l'écran d'ordi. Mais c'est comme ça peut pas avoir plus de détails que la photo qui a été prise en photo. Je sais pas si vous me suivez. Ça fait qu'il y avait une photo basse résolution sur l'écran. Il a pris sa photo comme si c'était le ciel. Le téléphone pensait que c'était le ciel, puis il a amélioré sa lune. Fait que c'est ça le test à faire. Si vous avez des appareils avec un mode super lune, comme le mien, je vais l'essayer quand j'y pense, là. Tu mets une photo de la lune que tu bitcroches quasiment pour qu'elle soit vraiment dégueu. Tu essaies de prendre ça en photo pour que ton téléphone ne sache pas que tu es en train de prendre une photo d'un écran. Là. Puis voir s'il t'invente une lune avec ça. Ben, okay, ouais, c'est merveilleux. On en a de plus en plus. Là. Mais c'est ça l'affaire, c'est que là, OK, là on a commencé, il remplace la lune. Mais, tu sais, en cours de justice, mettons, t'as une photo, puis là, ah non, non, c'est là, c'est une photo. Ah, une photo, c'est bon, c'est une vraie preuve. Ah ouais, mais non, mais là, s'il y a la lune dedans, ah ben là, on peut plus y faire confiance. Mais là, l'année prochaine, ça va être quoi? Dans 10 ans? Dans 5 ans? Ça va être quoi, là, les améliorations de photos? Ils vont changer ta face? Ils vont... Ah ouais, ben comme tu dis, juste les lettres, là. Les lettres puis les chiffres d'essayer d'enhance quand tu vois pas bien sur une photo, là. Ouais, ça, je pense que ça va être un réel problème. Déjà, juste si tu regardes les AI de création d'images, j'en vois beaucoup de ces blogs où t'en avais essayé de la génération d'images par AI, là. Je sais pas si t'en vas passer beaucoup qui essaient de faire comme des formats de mimes avec avec de l'écriture en haut puis en bas, des fois. Puis, mais ils génèrent pas, tu sais, c'est un truc de reconnaissance d'image, pas un truc de reconnaissance de texte, là. Fait que ce qu'ils génèrent, ça se lit pas souvent, là. C'est des patterns qui font penser à des lettres. C'est ça, les caractères sont mâchés ensemble pis tout, c'est illisible. Fait que, ouais, ça va plus vite. Rarement, si c'est lisible, tu vas avoir un mot. Ouais, c'est ça. Même si c'est lisible, ils vont comme extrapoler, là. Ah non. Ça... Avez-vous vu passer aujourd'hui le thread sur, je crois, Twitter? Non. Qui est avec l'ancien président, Donald Trump, qui s'est arrêté. Ah ouais, il s'est arrêté. Pourquoi? Ben c'est pas des vraies photos, mais pour vrai, nice. Mais il fait un thread, pis c'est genre la police qui court après Donald Trump dans la rue, puis là il se fait arrêter, puis il y a plein de photos de différents angles puis tout, puis tu sais des belles photos. Oh my god. Puis là après ça, ça continue, puis là comme il va en justice, puis là tu vois des photos du procès, tu vois sa famille qui sont en pleurs, tu vois. Après ça, il va en prison, tu le vois habillé en... Il prend ses vêtements de prisonnier, puis là, il se change, puis là, puis il finit par s'échapper en creusant un tunnel, puis tout ça. Puis t'as toutes ces photos-là qui sont dans un thread aujourd'hui, puis c'est comme toutes des fausses photos. Mais, OK, si tu zooms in, si tu cliques pour les photos pour les voir en gros... Pis que tu regardes comme faux, tu sais, tu vois, OK, sa main est un peu truquée. Là. Il y a toujours les mains. Ouais, il y a une deuxième main qui dépasse en arrière. Il y a... Le contraste est un peu bizarre, là, de comme la... Tu sais, genre, ça a de l'air photoshopé, genre, comme la lumière. Son linge se fond dans la table comme si c'est une seule créature. Des choses comme ça. Mais même pas, là. Comme, c'était plus... Les trucs, c'était plus subtil que ça. Pis comme... Les mains, c'est ce qui va nous sauver encore pendant un bout de temps. Mais si tu cliques pas, pour le voir en gros, tu fais juste défiler le thread rapidement. Oh mon dieu, c'est bluffant, là. C'est sûr. Mais ça, comme... Je sais pas si on veut abandonner les jeux du travail pour un instant pour rentrer là-dedans, là. Parce qu'évidemment, on pense beaucoup... Cinq minutes, mettons. Ouais, OK. Je vais faire le gardien du temps. Parfait. Bonne idée. C'est tricky parce que je pense que la désinformation sur Internet, ça existe depuis qu'Internet est là. Tu sais, les gens peuvent écrire ce qu'ils veulent sur Internet. Comme, il n'y a rien qui te prouve que c'est vrai. Fait que The Onion, c'est pas vrai. Fait que les gens tombent déjà victimes de la désinformation. Donc là, tu leur mets des images truquées. Les gens, mais ça fait longtemps qu'on peut truquer les images. Hein. Ça fait longtemps que le monde qui font pas plus de recherches qu'il faut vont tomber victimes à la désinformation face à des images truquées. Là, il y a les vidéos comment ils appellent quand ils surimposent? En deepfake, c'est ça. Fait que les gens vont tomber là-dessus. C'est juste que, comme l'espèce d'aspect de trucage puis de désinformation, on a juste plus d'outils pour le faire. Mais je pense, j'ai comme l'impression qu'au final, ça vient juste chercher la même chose. Ça fait que les gens devraient avoir une bonne littératie puis faire leurs recherches puis savoir où trouver leurs bonnes informations puis utiliser leur esprit critique pour analyser ce qu'ils voient sur Internet. Fait que j'ai l'impression que les gens qui vont tomber dans le panneau, c'est encore des gens qui doivent utiliser plus leur esprit critique que ça, puis qu'ils le faisaient peut-être déjà pas, puis qu'ils avaient peut-être déjà vraiment tendance à tomber dans le panneau comme la désinformation écrite, donc qui était très facile à truquer, là. Fait que, tu sais, quand les gens disent « ça va tout changer », je le sais pas, ça va-tu vraiment tout changer? Comme, on peut déjà rien truster sur Internet, comme, fait que commencez pas à dire genre « ah, oh, mais moi, je trustais tellement les images puis les vidéos ». Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, puis tu peux... Tu sais, il y a toujours eu moyen là, de prendre les photos d'un certain angle ou hors contexte pour pouvoir dire des choses. Comme, oui, c'est pire, mais ça a toujours été plein de mensonges, l'Internet. Là. Arrêtez de croire tout ce que vous voyez. Arrêtez de croire tout ce que vous voyez. Là. Non? Ben, c'est que c'est rendu plus accessible. Là, comme, ce niveau de fake de Donald Trump, maintenant, aurait pris... un très bon artiste, beaucoup de temps à faire. Là, le gars, il a fait ça en je sais pas combien de temps, là, une journée. Mais c'était faisable. Oui, c'était faisable. Oh ouais, c'est ça. C'est juste que là, il va en avoir plus. Tu peux le faire en usine par quelqu'un qui a pas le talent nécessairement. Mm-hmm. Tu sais, tu le faisais comme... Parce que c'est comme pas nouveau que les gens essayent de vous mentir sur Internet. Genre, moi, c'est plus ça. Quand les gens sont comme, c'est une révolution, je sais pas, même. Je sais pas si c'est une révolution. On te mentait déjà sur Internet. On manque d'informations pour dire où ça s'en va pour vrai, mais ça peut pas dire de pas se poser la question. Mm-hmm. Puis c'est pour ça que, comme, la presse, sur la presse, en fin de semaine, ouais, qui a sorti un texte sur... ah ouais, j'ai pas le temps de lire. L'utilisation des AI dans les écoles. Tout ça, ouais. Primaire et secondaire, et en fait dans les écoles en général. Puis je me disais, effectivement, si... Ben là, c'était surtout pour les profs qui s'en servent pour, mettons, générer des plans de cours, puis faire des quiz, puis des examens. Puis tu sais, oui, le AI se trompe encore assez souvent, mais tu sais, le prof pouvait juste corriger les... Tu sais, il me dit genre, génère-moi 50 questions, puis là, il prenait les 10 meilleures, mettons. Mais ça me fait penser à Google Translate. Quand on utilise Google Translate maintenant pour traduire de quoi de plus rapidement, l'idée, c'est que tu le fais faire par Google Translate pour que ça aille plus vite, mais tu révises ce que Google Translate fait avant de le soumettre. Ouais, mais comme on le sait, beaucoup de gens ne révisent pas parce que quand tu ne connais pas la langue, si tu t'en sers pour traduire le post de quelqu'un d'autre... Pis là, tu prends ça en disant genre, ben, je l'ai traduit. Tu sais, mettons un post, un message en russe. Je le fais traduire, je lis ça, puis je comprends quelque chose, puis je suis comme, OK, j'ai compris. Ouais, mais peut-être que la traduction a fait des erreurs, puis... Mais faut que tu sois conscient, là. Mais je veux dire, si t'es un professionnel comme un professeur, mettons, que tu lis ça, genre, moi, je m'attends à ce que tu révises ce que l'AI t'a donné tout cul dans le bec, là. Le problème que je vois avec ça, puis comme je dis pas que c'est une mauvaise idée là, parce que je pense que tu sais pour régler le problème qu'on parlait juste avant de genre faut apprendre aux gens à détecter qu'est-ce qui est faux puis à être critique. Ça c'est en côtoyant ça. Fait que là déjà les profs ils donnaient des mandats à ses élèves de genre utiliser les AI pour faire des choses, pour générer des choses, puis utiliser ça pour mettons un prof d'anglais, ben c'est comme pour générer du contenu pour ensuite en parler. C'est comme pose-moi des questions à propos de. Fait que, mais le problème c'est que c'est comme fait que d'un côté peut-être que les gens on va s'habituer puis on va devenir plus critique à force d'apprendre à les utiliser. J'espère, puis ça serait bien que le monde apprenne ça à l'école. Mm-hmm. De l'autre côté. Si, over time, on devient tout un peu paresseux en se disant, genre, ah, oh, ben, j'ai pas besoin de savoir des choses parce que, comme, de toute façon, j'ai Le AI peut me répondre à toutes mes questions. J'ai pas besoin de savoir écrire une belle lettre. Juste à écrire 3-4 mots-clés, puis le AI va tout compléter ça. Mais on est déjà là-dedans. En quoi est-ce que c'est différent? Que à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, on dit oh, les gens font plus les choses à la mitaine, mais ils vont laisser la technologie faire pour eux autres, ils savent plus comment. Comme c'est un débat genre centenaire. Fait que je suis comme, comment? Et la peur c'est, des calculatrices. Ouais, c'est ça, exactement. On dit que les calculatrices vont faire en sorte qu'on sera plus capable de calculer. Ben, fait qu'on dirait que j'ai de la misère à trouver. Justement, oui. C'est pas complètement fou, mais... Non, mais parce c'est que... tant que ça un problème. Ben, c'est que, mettons que si j'étais né, il y a 50 ans, j'arrive à l'épicerie puis j'ai besoin de faire un calcul pour savoir lequel deal est le meilleur par rapport à la quantité. Ouais. Ça demande du calcul mental. Mm-hmm. Je suis plus capable de faire ça. Comme, je suis trop poche, fait qu'il faut que je sorte ma calculatrice pour le moindre petit calcul. T'es capable, oh, oui, j'ai juste pas le plus de pratique. Hein? T'es capable, t'as juste plus de pratique. Ben, c'est oh, ça. Oui, il est capable, mais... Comme il n'y a pas le temps de repratiquer, puis ben, c'est pourquoi il n'y a pas le temps? Je ne le fais pas assez pour le pratiquer, puis c'est que c'est au point où est-ce que comme, tu sais, par le temps que je calcule, mettons, tu sais, tu fais de l'addition en colonne, mettons, ou des multiplications ouais. en colonne, c'est comme par le temps que je suis en train de multiplier le deuxième chiffre, j'ai déjà oublié c'était quoi le premier, fait que là, bon, c'est peut-être moi avec mon trouble d'attention. Écris-les. Non, non, mais... c'est n'importe qui ne pratique pas beaucoup ouais. faire des calculs comme ça. C'est pas que je suis pas... Effectivement, c'est pas que je suis pas capable, c'est juste que c'est long. Fait que, ouais, ouais, qu'est-ce ouais. que je vais faire? Soit c'est je sors ça, mon téléphone pour ça, la pour technologie, faire c'est pour le qu'on on gagne du temps. Mais soit que je sors mon téléphone pour faire le calcul, ou je le calcule pas, puis je fais comme tant pis, je vais prendre n'importe quel. Mais non, Anne-Marie, la technologie, c'est pas pour qu'on gagne du temps, c'est pour qu'on soit plus productif, pour que quelqu'un puisse faire de l'argent avec nous. Oui, ok, oui, il y a ça aussi. Oui, et ça, c'est l'autre problème qui me tape. Mais c'est ça, c'est pas que je veux pas être critique de ça, là. C'est vraiment que je trouve que à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie dans la vie, on ressort les mêmes estis d'arguments. Ben oui, tu marques des points, c'est clair. C'est sûr. C'est sûr. Mais ouais, j'ai pas le temps de lire tous tes trucs, Narf, mais ton inquiétude, c'était que le gouvernement va juste donner plus d'étudiants à chaque prof. Parce que là, ils ont du temps libre parce qu'ils font faire leurs questions par ChatGPT. Ah, ça revient à la productivité, là. Ouais, mais c'est tout le temps la même style d'affaires pour les profs aussi, là. C'est tout le temps le même style d'argument, là. Comme le gouvernement va leur donner plus d'étudiants s'ils considèrent que ça leur tente, qu'il faut qu'ils crunchent les coûts, puis genre... Comme on peut pas non plus mettre ça sur le dos de la technologie, là. On met ça sur le dos des mauvaises décisions de gestion. Oui. Oui. C'est juste que là, les profs, ils disaient genre, ah, c'est le fun, ça nous donne... Ça fait que j'ai plus le temps pour faire les affaires plus importantes, mettons, parce que là, j'ai plus besoin de faire des affaires un peu plates. Puis là, fait que les profs, ils disaient, ah, c'est le fun, je gagne du temps. Fait que donc, je peux être un meilleur prof, un meilleur enseignant. Mm-hmm. Ça, c'est cool pour mm-hmm. moi. T'sais, je trouve ça ouais. cool, pour vrai. Mais là, ce que j'ai peur, c'est que là, au lieu de leur dire, genre, ah, vous êtes maintenant des meilleurs enseignants, parfait, ils vont juste, comme notre cher gouvernement va juste faire... Et donc, on va doubler le nombre d'élèves par classe. En tout cas. Ouais, mais... Donc, on va revenir au problème qu'on avait avant. Ils font déjà ça, genre. Comme ouais, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'une excuse, genre. Comme ils vont avoir une excuse de plus. C'est ça, parce que la pandémie est arrivée, puis on fait « Ah, ben là, les profs, il faut que vous enseigniez à distance aux jeunes qui sont à distance. » Puis là, quand ça recommence en présentiel, faut que vous enseigniez au présentiel aux jeunes en présentiel. Puis après l'école, faut t'enseigner à distance aux jeunes qui pouvaient pas être là parce qu'il y avait la COVID. Fait que t'as deux fois plus de job. Go! Ils ont fait ça pendant la pandémie, là. Ils en ont pas besoin. Ils vont trouver n'importe quelle excuse. Puis comme je disais mon argument tantôt, comme si on peut apprendre le plus vite possible aux jeunes comment ça fonctionne l'intelligence artificielle, puis à quoi ça sert, puis combien bien s'en servir, puis comment ça peut être mal utilisé... Et c'est pas mauvais. Oh ouais, c'est une bonne partie de la solution, c'est sûr. Je garde le en fait parce que je vois les gens qui utilisent mettons Google Translate en traduction, puis c'est oui, c'est pas ça bat pas un bon traducteur, mais un bon traducteur peut gagner du temps avec Google Translate. C'est ça l'idée. Puis je comprends ton idée que genre, ouais, mais là, tout le monde a accès à tout ça, fait que juste que, tu sais, le monde qui veut le traduire des affaires vont juste le mettre dans Google Translate. Bon, OK. Faut que ce monde-là comprenne qu'ils sont pas des traducteurs. Puis que c'est pas leur, qu'ils parlent pas une des deux langues. Fait qu'ils peuvent pas se fier à ça, tu sais. Fait que si tu veux avoir ça, ça remplace pas un professionnel. Si tu vas avoir une vraie traduction, tu vas avoir un professionnel. Puis lui, ça se peut qu'il utilise des outils pour aller plus vite. Mais comme c'est sa job de faire du QC sur son outil, là. Que j'ai l'impression que ça reste pareil. Mais j'avais, en tout cas, il y avait d'autres points là, que j'amenais, c'était pas le seul. J'ai juste fait une synthèse de tous les trucs que j'entends parler. T'sais, de temps en temps, tu lis un article qui parle d'un point négatif, un autre. T'sais. Là, j'ai juste fait une liste. Mm-hmm. Il y en a 7 ou 8, je pense. Points négatifs à propos des AI. C'est pas exhaustif. Je me considère pas un expert. Je vais juste dire, genre, on peut-tu avoir une conversation avant de juste tout se gorocher là-dedans? Parce que là. Mais je suis quasiment étonné que tu dises que. Avez-vous vu ce que Google a annoncé aujourd'hui? Non, aujourd'hui non, j'ai pas vu. Google a annoncé un système pour que, mettons que tu reçois une longue chaîne de emails là, de plein de gens, puis là tu t'as pas le temps de lire ça, tu fais juste lui dire genre, fais-moi un résumé de tout ça. Et là, il va te faire un résumé de tout ça, puis là tu vas juste lire ça, puis là tu vas avoir gagné du temps. Puis là, ça c'est outil numéro un. Outil numéro deux. Tu veux écrire un email, mais t'as pas le temps. Fait que tu fais juste donner 3-4 mots-clés, pis fais-moi un email de ça. Pis là, il va te générer le email de ça. Mais ça, c'est basically ChatGPT, répondu... là? Oui, oui, oui. Ah, oui, oui, c'est exactement ça. Oui. C'est Google Bard, là, qui appelle. Pis c'est comme ChatGPT. C'est toute la même affaire. Mais c'est intégré, mettons, dans Gmail, mettons. OK. Ah, il y a déjà du prédictif dans Gmail, là? Ben, c'est ça. Pis... Pis quand là, c'est mot à mot, c'est pas si pire. Puis là, il y a quelqu'un qui a répondu. Fait que là, on va arriver dans un univers où est-ce que je vais recevoir, je vais envoyer des messages que j'aurais pas écrits, puis les gens vont pas les lire parce qu'ils vont utiliser l'AI. Fait que ça va juste être Google qui se parle à lui-même. Oui. Puis j'étais comme, j'ai pas envie de vivre dans ce monde-là. Pas envie de ça. Parce que là, on va une ferme ensemble. Mon boss, un des managers que je vais pas nommer, était en train de nous dire aujourd'hui, genre, ah, oh, mais là, on va écrire notre document. Il va falloir réfléchir à comment on va écrire notre documentation pour qu'elle soit facile à comprendre par les AI. Et comme ça, quand la personne qui va lire la documentation ne va pas la lire, il va juste demander au AI, peux-tu me résumer le bout qui m'intéresse sur cette documentation-là pour que là, le AI fasse une meilleure job. Fait que là, on va travailler. On va écrire de la documentation pour que les AI puissent la synthétiser puis que donc personne va la lire. Écoute, je suis comme... Mais tu vois, c'est pour ça que genre... Je sais pas quoi penser de ça. Moi, j'ai toujours martelé le fait que les mauvaises décisions sont prises par des humains. Parce qu'une intelligence artificielle ne peut pas prendre une mauvaise décision, là. Elle est pas intelligente. Les mauvaises décisions sont prises par des humains. Puis tu vois ton gestionnaire qui prend cette décision-là, je trouve que c'est une mauvaise décision. Parce qu'il est pas en train de former des intelligences artificielles, là. Il est en train de former des humains. Pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin que l'intelligence artificielle digère ça pour un humain? Le matériel de formation, il est supposé être digestible pour un humain. Genre. Puis les courriels, c'est... C'est weird parce que, je veux dire, en tout cas, je sais pas vous autres, là, mais moi, j'en écris des courriels sur le Cruise Control, mais je dis rien dans mes courriels que j'écris sur le Cruise Control, là. C'est genre, OK, cool, envoyé de mon téléphone, là. Tu sais, je pense qu'il y a moyen de continuer avec ça. T'envoies ces courriels-là? Ouais, oui. Moi, je réponds juste pas. C'est récent, là. I am that person now. Genre, là. Mais comme dans le milieu académique, c'est que, genre, tous nos boss font ça. Genre, presque. Tous les chercheurs, ils ont pas le temps, pis ils font ça, là. Fait que depuis que je vois tous les chercheurs font ça, comme, moi aussi, je suis la personne qui envoie OK, cool, envoyé de mon Android, là. Ouais. Mais, ouais, ben, en fait. Je sais pas c'est quoi le problème. C'est des courriels pour rien. Au contraire, c'est super important de confirmer que tu l'as lu, puis que tu as compris, puis que l'as fait. C'est ça, il y a des courriels qui te demandent quelque chose, mais il y a aussi des courriels qui font juste comme t'informer d'une affaire, puis ouais, c'est tu vas ça, pas ça. Dire merci à chacun. Ouais, c'est ça, ça dépend vraiment, ça dépend vraiment c'est quoi, là. Mais c'est parce que, en fait, il y a des milieux professionnels dans lesquels c'est considéré non professionnel de faire ça, là. Puis comme je comprends tout à fait, là, je le fais dans mon milieu là, mais je le ferai pas partout. parce que ça peut être considéré rude, de ne pas prendre le temps d'écrire un courriel qui contient une salutation, un corps et une autre salutation d'au revoir et ta signature complète. Mais tu vois, les compagnies qui se font chier avec ça, c'est vraiment grave que l'AI a généré un courriel qui est ouais, genre « politically correct » pour ton entreprise, mais qui voulait dire « ok, cool, envoyez mon Android ». Comme, ouais, ben, tu peux... Parce que tu vois, parce que ce courriel-là sert à rien. Ben, c'est comme les gens en tech support qui ont des macros pis des scripts. Mettons qu'ils veulent. Tu sais, quelqu'un dit genre, ah, j'ai un problème, pis là, tu veux lui dire genre, ok, bonjour, j'ai compris ton problème, tu dois rebrancher, débrancher ton routeur. Tu sais, ouais. Comme le classique. Fait que là, tu fais juste écrire, mettons, slash rebranche enter, pis ça te génère tout le message. Il y a un jour, tu te trompes de macro pis t'envoies j'ai besoin d'un heal. Reinforce B, reinforce B. Mais c'est ça comme. Mais pour vrai, Blob, tu dis pour l'accusé de réception puis les trucs que t'as pas besoin de renvoyer, ben en tout cas sur Outlook maintenant il y a un truc de React que je trouve absolument odieux. Bah. Mais que j'utilise, ouais. Finalement j'utilise as fuck. Le fais sur Teams. Ouais, de juste faire un thumbs up dans le fond, puis quand les gens thumbs up mes courriels, je sais qu'ils l'ont reçu puis qu'ils l'ont lu, fait que je suis comme quand même contente. C'est ça. Mais le problème c'est que Outlook essaye de plus en plus d'être un réseau social. Je sais pas si vous avez vu ça là, mais à Star les React, il y a plusieurs options. Puis tu peux voir qui a réagi sur tout, fait que quand il y a un courriel qui est envoyé à l'ensemble du réseau de santé et services sociaux de l'ouest de l'île de Montréal, puis dans les React, il y a des React... Je pense qu'il y a une face de clown puis un bonhomme qui pleure, là. Fait que tu peux voir comme... Que genre, Martine du secrétariat de l'hôpital St. Mary's a fait une face triste à... Parce que c'est Outlook de job, fait que les noms de tout le monde sont là, puis les React... C'est exactement comme fucking Facebook. Ouais, nous autres aussi... À pour job, vrai? Ben, c'est sur Slack, là, mais... Mais c'est trash! Ah, c'est-tu que c'était pire? Parce que Slack, ça, c'est sûr que des boomers qui comprennent pas là, que leur nom est associé à ça, puis qu'après ça, tout le monde qui consulte le courriel est capable de voir que genre, t'as pas aimé ça, cette annonce-là. Là. Oh, mais ça, c'est une autre histoire. Là. Non, mais je trouve ça complètement épais. Comme si tu vraiment achetais ça. C'est comme sur Facebook. Slack, c'est comme Discord. En fait, c'est Discord. Mm-hmm. Mais pour Discord, quand il y a les emoji React, tu peux mouse over pour voir qui a dit ça, puis je le fais tout le temps parce que quand vous répondez à quand vous mettez des emojis, je veux savoir c'est qui a mis un petit cœur, puis c'est qui a mis une face de Yoshi. Moi aussi, mais c'est parce que c'est positif aussi là. Tu sais, si j'aurais voulu faire une face de genre fuck you Narf, je l'aime pas ton petit commentaire, ben là peut-être que quelqu'un qui fait ça va vouloir avoir de l'anonymat. Oui, ben. Fais pas ça, justement, tu le sais, c'est public. Moi, je dois être sur le bord dans ma carrière que si j'ai ça à dire puis je paye sur l'émoticône, ça me dérange pas. Ouais, il y a clairement du monde, parce que là, je suis au bord. Nous autres, ils ont commencé à essayer d'instaurer Yammer aussi, là. Puis, fait que tu sais, ça, c'est vraiment Facebook de job, Nar. Comme c'est un Twitter interne. Ouais, avec des commentaires en dessous pis tout, là. C'est vraiment là. Fait que tu sais, il y avait un monon qui était comme genre veuillez me désabonner de ce service. Veuillez me désabonner de ce service. Sur comme les courriels officiels du CIUS. Comme là, plutôt les annonces officielles du CIUS. C'est mouah! C'est chef's kiss, ça, c'est cringe. Tant qu'il n'y a pas du monde qui se sont trompés de la barre de Google pis c'est écrit Margot Robbie sexy photo. Il va sûrement en avoir. Mais parce que les faces de clowns sur les courriels, c'est sûr que c'est du monde qui n'ont pas compris que c'était public, là. C'est sûr, ça aurait peut-être un troll, là, mais genre... Oh my god. Mais c'est ça, comme... Sinon, voulez-vous jouer au hockey avec de la glace sèche, au pire? Oh shit, oui, c'est vrai. Alors, on prépare du AI pendant 3 heures, hein. On avait dit 5 minutes. Parce qu'on était quand même structuré, ça allait quelque part, tu sais. Mais c'est des gros sujets. Je trouve qu'on a fait un peu le tour. Je suis sûr qu'on On n'a jamais fait le tour. On va en reparler, c'est clair. Mais ouais, jouer au hockey avec de la glace sèche sur... Ça prend... Tu n'as toujours pas essayé, j'imagine. De toute façon, c'est un peu dangereux, là. Non. Pas trop, mais... Pourquoi c'est dangereux? Il faut pas toucher à ça, la glace sèche, ça brûle la peau pis tout. Moi, je prends ça avec mes gants, là, avec mes gants à latex. Ouais, là, ok, mais... faut que tu mets des gants, là. C'est pas vite. Oh non, mais des gants à latex, ça te propose... C'est... Tout ce que ça fait, c'est que la l'humidité de tes doigts va pas coller sa glace sèche, c'est tout, là, ça te protège pas du froid. Ouais. Quand tu travailles beaucoup avec la glace sèche, à un moment donné, tu t'en calais. C'est comme le monde qui travaille avec l'azote liquide, là. À un moment donné, tu vas juste comme mettre ta main dedans pis sortir des trucs, là. On n'est pas... Wow. Ouais, on n'est pas correct en science. On essaie d'aller vite puis on prend des raccourcis. Mais... Ouais. Je pense que l'azote liquide, il doit comme insta-bouillir puis faire comme un coussin autour de ta main. Exactement. Faut t'aller vite. Faut t'aller vite, là. Tu m'utilises pas ta main, là. Ouais. Ouais. Sinon, on a cryogénise un peu. Un petit peu. Oh. Mais j'imagine que ça, c'est comme les gens qui sont capables de mettre leurs doigts dans une chandelle puis de l'éteindre en pinçant, là. Oui, c'est ouais, ça. C'est oui, genre... oui, c'est pas supposé faire mal, là. C'est juste que tout le monde a une espèce de blocage mental de genre, oh non, je vais me brûler. C'est plus, je pense que c'est plus le blocage mental qui nous empêche de faire. Faut que tu y ailles vite. Ouais. Marcher d'un tison ardent, même affaire. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que c'est pas si difficile. Tu fais juste marcher calmement, puis ça va chauffer. Faut juste, tu paniques pas, tu devrais y arriver. Ça, puis... Je le ferais quand un peu. Être fakir sur une planche de clous, puis... Ah, mais ça, c'est la tension. C'est parce que si, t'as, si tu spreads le truc, ça, si t'as un clou, il va passer à travers, mais c'est une planche. Ça a l'air de faire mal, une planche avec un clou. Ouais, c'est ça, non, ça c'est non. Y'a aucun fakir qui va s'asseoir sur une planche avec un clou. Non, non, non. Ben... Mais anyway. Faites pas ça, ça mais... Ça peut être un kink. Ça peut être un kink. Faites pas ça, mais si, admettons, quelqu'un vous prend en otage, puis la seule manière de vous en sortir, c'est de jouer au hockey avec de la glace sèche. Mettez de l'alcool sur la table, ça va mieux jouer. Mais seulement si vous êtes forcé, ne faites pas ça. Oui, c'est ça. Attends, pourquoi de l'alcool? Attends, la glace comme... sèche, c'est la POC ou c'est la oui. Ou c'est la patinoire? Parce que la glace sèche, elle fait déjà comme un coussin de gaz carbonique, mais l'alcool aussi, c'est comme ça s'évapore en même temps, fait que tu as comme double coussin. C'est comme lubrifiant ou whatever, fait que ça va encore plus vite. Juste pour être sûr, on est revenu dans le sujet du mois qui est les jeux qu'on joue à job. Ouais. Là. Fait que genre ça, ça venait d'un laboratoire dans lequel on a souvent de la glace sèche. La glace sèche, ça vient en espèce de petite poc cylindrique, en espèce de petite granule, genre. Peut-être un pouce par un demi-pouce, mettons, là. Ouais, ça ressemble un peu à comme une grosse pilule de Dr. Mario, I guess. Là. Ouais, mais comme j'ai l'impression que ça doit venir d'un grand tube parce qu'ils sont toutes des longueurs différentes, là. Fait que j'ai l'impression qu'ils sont comme cassés. Non, ça sort d'un nozzle puis ça tombe comme là. Ah, ça doit être ça, ouais. Ou des fois, il y a des gens qui ont des grosses briques. Des fois, je me fais choper des grosses briques, mais c'est plus rare. Mais les grosses briques, ils t'offrent plus longtemps. Mais si vous voulez jouer au hockey, prenez des granules. Mais c'est ça, ça prend une surface vraiment plate. Idéalement, le bench en métal. C'est un bench en stainless. Yes. Genre, c'est le shit. Puis c'est ça, c'est la glace sèche en contact avec une surface qui est à température de la pièce. Mais la différence de température est si grande parce que la glace sèche est à quoi? Moins... 76, je pense? Ouais, quand t'as tient température pièce, ça doit aller jusque-là, mais il me semble que c'est supposé de congeler à moins 79. C'est ça, ok, ouais. C'est sauf ta petite granule, elle va peut-être... Si tu la mesurais, tu pognerais probablement pas moins 79 piles, là, ouais. Malgré. Surtout si tu l'as isolée, là. Mais c'est ça, fait qu'elle s'évapore comme fucking vite, là. Fait que si elle touche à une surface à genre 20 degrés, l'évaporation de tu sais, il y a pas de phase dans la glace sèche, aussi c'est pour ça qu'on l'appelle sèche, il y a pas de phase liquide. Tu sais, normalement quand tu décongèles quelque chose, tu passes de solide à liquide, à gazeux quand tu chauffes. Mais là la glace sèche, elle passe de solide à gazeux, y a pas de liquide. Fait que c'est ça, ça crée le coussin en dessous d'air sur entre la glace sèche puis ta surface. Pis c'est ça, si tu mets de l'alcool qui est déjà en train de s'évaporer vraiment vite, ça crée une surface sans friction. Fait que ça fait vole, que c'est là. Une patinoire d'alcool, pis la POC, c'est... Yep. La rondelle, c'est la rondelle de glace sèche. Que, évidemment, yes. Pour des raisons de sécurité, je vais vous dire d'utiliser des vraies grosses mitaines pour balancer votre glace des sèche. Potes. Mais je peux aussi vous dire ou juste de pas trop faire ça, là. Ouais, c'est ça. Mais je peux aussi vous dire que si vous avez des gants à latex pis vous la pichenotez, ça va être correct. Tu sais, quand tu pichenotes quelque chose, t'as pas un temps de contact, là. C'est juste pichenoter, là. Fait que you're good. Mais, j'aime que vous parlez de ça en disant, genre, ah, des trucs le fun à faire à la job. C'est comme, ouais, mais personne qui nous écoute a accès à un laboratoire avec de la glace sèche. Ben, moi, j'en ça, ai un. Pourquoi? Mais oui, mais c'est ça. Moi, j'en ai pour vous êtes les deux seules personnes que je connais. Mais nous, on en connaît plein. Ouais, on a ça à la job. Mais un affaire que vous êtes vraiment dans votre tour d'ivoire, là. Vous êtes dans votre bubble. Bon, ouais, c'est ça. C'est puis la genre à bugs, ça, c'est pas dans une tour d'ivoire. J'ai pas ça, moi, des bugs de code à ma job, fait que je considère que ça n'existe pas, puis qu'il y a personne qui nous écoute qui a des bugs de code. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Dans le sens que on a un podcast de jeux vidéo, fait que tu sais, des affaires de job de jeux vidéo, peut-être, mais là... Oh là mais là, c'est là, correct, là. Dans le fond, parce que... Mais c'est un jeu. Mais, en fait, là-dessus, je dirais... Je l'avais pas mentionné, mais... Moi, ce que je faisais à l'université, c'est qu'on la glace sèche, on la crissait dans le fond de l'évier, on mettait de l'eau, puis on se faisait une smoke machine. Ça, faites pas ça. Ça, ça pète des tuyaux pour de vrai. J'ai sûrement été vraiment chanceuse quand j'étais à l'université qu'on n'a jamais pété de tuyaux avec ça, là, parce qu'on le savait pas. Là. Tu fais un bécher avec de l'eau tiède, puis tu mets ça là-dedans. Ouais, effectivement. Nous autres, on le faisait directement dans l'évier, puis... Ouais, le labo, est-ce que je suis là, les gens sont comme, non, il y a un étudiant qui a pété des tuyaux avec ça, là, genre 10 ans, là, donc il n'est pas question qui que ce soit fasse ça. J'étais comme, oups! OK! Mais bref, ça crée évidemment... Dis-tu avec la main pleine de glace au-dessus du lavabo? Oh, man! Mais là, je suis obligé de la lâcher, ça va commencer à brûler bientôt. Ben oui, c'est ça. Tu peux pas avoir la main pleine de gaz sèche ben longtemps, là. T'as pas le temps de réflexion, là. Mais sinon, Madman Quill nous parlait du jeu du Snapdragon qui n'a certainement pas fait à sa job. C'est juste que c'est une anecdote intéressante. Ça a l'air que c'est un jeu victorien où est-ce que tu fais un bol de fruits séchés puis de noix puis tu mets du cognac dessus puis tu mets ça en feu. Ça reste dans l'alcool, genre. Ça, ouais. Fait que tu mets ton bol de fruits en feu, puis là, ben le but, c'est qu'il faut que t'ailles te pogner un fruit ou ben une noix, puis que t'en manges. Nice. Pendant qu'elle est en feu. Ouais. Bonne chance. Moi, j'ai déjà vu un gif d'un dude qui met un shot de vodka whatever en feu, puis qu'il boit, puis que ça pogne dans sa barbe. Intéressant. Comme t'es supposé éteindre le feu avant de le mettre dans ta gueule, non? Ouais, ou tu l'éteins avec ta bouche, comme en le mettant au complet pour comme fermer. Ah, c'est peut-être ça. Ouais, parce que clairement, le gars, il souffle pas dessus, puis il fait juste le boire normal, puis genre, comme ça, splash, puis le gars, il pogne en feu, là. Puis genre, le gif coupe, mettons, là. Si t'as une barbe de même, aussitôt que l'alcool coule un peu, comme il y a des bonnes chances que ça fasse, puis c'est ça, ça prend une technique parfaite. Ouais, c'est ça. C'est des petites flammes sur le shooter d'alcool, fait que ça a l'air de rien, tu sais. Mais un coup que c'est dans sa barbe, c'est des vraies flammes jaunes. C'est plus des petites flammes bleues. Parce que là, l'alcool, il se disperse aussi. Puis quand tu disperses quelque chose, ça double les flammes. Ouais, c'est ça. Il oxygène. Il y a de l'oxygénation. Ouais. Mais la surface de contact et tout. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais vu un cracheur de feu à barbe. Ouais. Il y en a peut-être. Pas mal sûr que j'ai vu plein de cracheurs de feu à barbe, mais pas qu'il feu, là, ça, ça, ouais. Bon, là, après ça, Narf va dire que c'est un cas. Narf va dire que c'est un cas de genre, ah, mais ça s'applique pas au restant de nos auditeurs, réellement, à connaître des cracheurs de feu, ce qu'elle fait du GN. Mais c'est vrai qu'ils ont peut-être pas des huge barbes, là, mais. Mais c'est ça, ils avaient des longs détachés. Ben oui, tu fais ça parce que là, t'as de l'air qu'en plus, genre, médiéval, je sais pas. Non, c'est vrai que c'est vrai qu'ils sont sûrement mieux désattachés, t'as raison. Ça fait longtemps que j'ai pas vu du monde cracher du feu, ça. Sinon, hein, ils resteront pas longtemps. C'est juste une coupe un peu... Il y avait pas quelqu'un sur TikTok qui faisait des coupes de cheveux avec du feu. Sans que j'ai vu ça. Non, mais. Ouais, c'est ça, mais c'est genre une espèce de truc sensationnaliste, là, que le gars, il crisse le bas de tes cheveux en feu. Puis là, comme il les coupe comme, en même temps, mais tu sais, dans le fond, tout ce qui est en feu, c'est le bout qu'il allait couper anyway. Parce qu'il coupe comme au-dessus, genre. En tout cas, c'est juste que, genre, tes cheveux sont en feu, c'est métal! C'était ça, en tout cas. Moi, sinon, j'ai trois gogos pour finir le sujet. Oui. Moi, j'avais lancé ça parce que j'avais justement mes trois exemples à moi, puis les gens en ont shooté d'autres, ce qui était merveilleux. C'était ça le but. Mais mon gros affaire, là, c'est les Olympiques volumétriques. Puis dans le fond, là, on fait des pesées volumétriques. Fait que tu mets quelque chose dans un pot, tu pèses avant, tu mets de l'eau, tu pèses après, puis là, tu fais la différence entre un pot plein d'eau, puis ton pot avec ton whatever, puis l'espace occupé par l'eau. Fait que ça donne comme la densité par comparaison. Je détaille pas le calcul, là, on s'en fiche, mais l'idée, c'est que là, tu fais comme, tu vacuumes un pot avec une matière, puis après ça, il faut que tu ailles le remplir d'eau sans faire de bulles. Fait que les olympiques volumétriques, là, c'est comme tu cales ton pot tranquillement pour essayer de... Mais parce qu'un moment donné, t'en as 30 à faire aujourd'hui. Fait que là, t'essaies d'aller de plus en plus vite, mais sans faire de bulles. Mais t'as le droit de faire quelques bulles sur le dessus. Fait que là, t'as juste à calculer un système de pointage, comme la gymnastique. Ouais. Où est-ce que là, t'as des points sur la vitesse. Fait que là, tu peux juste checker l'horloge avant-après. Là, OK, ça a pris 5 secondes. Puis... tu rajoutes une seconde, mettons, pour chaque bulle que tu as faite sur la surface. Puis évidemment, si tu fais des bulles pas sur la surface, il faut que tu recommences ton essai. Fait que là, comme. Mm-hmm. Là, ça, c'est un échec assuré. Là. Faut juste que tu vides ton pot puis tu le refais, celui-là. Là. Tu vas devoir faire sécher tes gugus que tu avais dedans. Là. Fait que ouais, c'est comme un sport que tu peux réellement faire en travaillant. Puis même que ça peut te rendre plus efficace. Nice. Quand même motivant. Ouais, c'est cool. Le but, c'est d'avoir un bas score, tu sais, comme en seconde. Là. C'est genre le premier jeu productif qu'on a à date. Ouais. Sinon, il y en a un qui est semi-productif, là. C'est comme tu rouvres l'ordi, puis il roule sur Windows 7, puis tu vas devoir utiliser Excel 2010, puis le temps qu'il ouvre, on a un pot avec, tu sais, les grenouilles en plastique que tu pèses sur le derrière, puis ils sautent. Point. Oui. Fait que tu vides le pot sur le comptoir pendant que l'ordi s'ouvre, puis le temps que l'ordi il s'ouvre, t'essayes de remettre toutes les grenouilles dans le pot. Yes. En les faisant skipper sur le comptoir. Ça, c'est pas productif. Et c'est le pot mais tu serais pas plus productif anyway. T'sais, moi, c'est le moment ouais, où je sors mon ça. Sel. Ouais. Je pense que toi, t'as une technique plus picrossienne. Oui. Ou nonogrammique. Exactement. You ouais. know it. C'est le moment de start-upier un Hungry Cat Picross. Yeah. Et là, c'est le moment tant attendu. On est rendu au Golden Split. Oh shit. Checkez bien ça. Admettons que t'as un cossin granulaire. Par exemple, des peanuts. Ouais. J'aime que ça va être encore une fois quelque chose de vraiment pas accessible. Arrête les grenouilles, c'est du surpoids. Tu veux essayer? Ça te prend juste un laboratoire scientifique au grand complet avec plein de produits chimiques à mettre dans ton lavabo, tu sais. Hey, mais c'est rare qu'on voit qu'il y a vraiment une grosse différence dans les autres du podcast parce qu'il y a une personne en jeu vidéo puis deux personnes en laboratoire, là. Comme, c'est our time to shine. C'est la première fois qu'on genre, on est en majorité puis on le démontre. Oui. Ah ouais, je veux savoir le Golden Split. Je ne split pas des peanuts en passant. Je fais juste ne pas dire qu'est-ce que je fais exactement dans la vie, mais admettons que c'est des peanuts. Il y a des grosses peanuts puis des petites peanuts. Puis ils sont dans un ratio qui est peut-être comme calculé scientifiquement puis exactement. Peut-être que ça soit un trail mix de bord. Ok, c'est un trail mix. Ça, c'est bon. Ça, c'est vraiment bon. Comment tu fais pour prendre un échantillon trail mix si les raisins secs flottent sur le dessus, façon de parler? Flottent, parce que c'est des affaires solides, fait qu'ils flottent pas vraiment, là. Mais ils se ramassent sur le top, ça, là. Parce que les noix se ramassent dans le fond. C'est les graines de tournesol, vu qu'ils sont tout petites, ils se ramassent dans le fond. Ah, ils glissent, puis ils descendent au fond, hein, avec les interstices. Fait que comment tu vas faire pour avoir comme toutes tes quantités de ça? Faut que tu le mettes dans un espèce de séparateur avec des chutes que ça tombe un peu au hasard à gauche ou à droite. Fait que tu mets ça là-dedans, t'actionnes le petit levier, tu le brasses un peu, puis ça fait de chaque bord. Fait que peut-être que les graines de tournesol vont encore s'en aller direct au fond, mais elles vont être également à gauche puis à droite. Okay. Puis en plus, tu devrais avoir séparé ta masse en deux. Fait que là, t'avais 500 grammes, là, t'as 250 de chaque bord. Fait que là, tu viens de faire deux petits sacs qui sont parfaitement aléatoires avec la bonne quantité de chaque chose, sans que ça soit compliqué. De trail mix. Inquiète ouais, pas, Narf, moi aussi, là, ça, je sais pas de quoi qu'on parle. Là, le problème que j'ai, c'est que des fois, j'ai besoin de faire un échantillon qui demande genre 1200. Environ, puis un échantillon qui demande 1500 environ. Sauf que ça sépare en moitié, fait que je peux pas vraiment le faire. Le ça, Golden ça Split, ça, ça c'est quand j'ai... l'école de professeur Layton, là. ouais. Pas tout à fait. Mais c'est que d'un Every puzzle has an answer. Oui. Every Every life situation is a puzzle. Every puzzle check has a golden split. J'ai le droit d'avoir d'un bord entre 1000 et 1200. Puis j'ai le droit de l'autre bord d'avoir entre 1000 et 1500. Okay. Fait que là... Je peux juste les splitter en deux puis ça va être correct. Ouais, ah, non, c'est 1000-1000? C'est plus facile que ça. J'ai le droit entre 1500 puis 1700. Mais l'autre bord, j'ai le droit entre 1000 puis 1500. Oh, OK. Donc là, je dois avoir exactement 3000 en haut, qui a été préparé d'avance. Ouais. Puis là, je vais essayer. Au lieu là, de faire comme 3000, faire 1500, 1500, puis après ça, un autre 3000 quelques pour faire 1600, 1600. Là. Puis là, ça me prend deux splits, puis c'est long, puis c'est plate. Je vais essayer d'avoir presque 3000 exactement, puis essayer que mes deux bacs soient pas égales. Je vais essayer qu'il y en a un qui est à 1490, c'est passable, puis que l'autre, il est à 1520, parce que c'est aussi passable. Parce que les deux ranges se croisent, mais de presque rien. Mais t'as pas dit qu'ils splittaient également? Ben, ils splittent également, mais des fois, t'as une peanut de plus qui tombe dans un bar, tu sais, puis... Okay. Puis, en fait, ce qui arrive, c'est que des fois, t'as 150 peanuts qui tombent plus d'un bord, là, fait que... OK. C'est sûr que quand tu pars avec 10 kilos, tu vas avoir 11 puis 9, là, puis comme des fois, okay. On a droit à 3%. Fait que là, tu dois rester dans ton 3%, mais tu peux pas être à 0% parce que tu vas manquer ton split. Mm-hmm. Des fois, ça vaut pas la peine de l'essayer parce que ton trail mix, il est juste trop collant, ça fait pas la job. T'as mis trop de chocolat, juste... pis là, il est resté sur ton dash de char pendant une couple de jours. Ouais. Pis là, il y a des grosses glosettes dedans, pis quand la glosette, elle tombe à droite, c'est tout débalancé. Ouais. Mais, de temps en temps, t'es comme, ah, là, je le feel. On fait-tu le golden split? Tu mets exactement 3000, 1485, pis l'autre bord, 1525. Ça passe 3%. Tout est beau. T'as pas fait la job le mieux possible, mais tu viens de skipper une étape. Mm-hmm. T'étais dans les ranges d'incertitude. Si, ouais, mais si ça donne pas ce que tu, si ça donne un truc pas bon, tu fais quoi? Ouais. La beauté de ça, la beauté puis le problème de ça, c'est que si t'as pas réussi ton golden split, tu peux remettre les deux bacs en haut puis le refaire jusqu'à temps que ça marche. Okay. Fait que là, tu le mets dedans, ah, c'est trop égal. Tu le remets dedans, ah, c'est complètement débalancé. Tu le remets dedans, OK, là, ça marche. Et l'idée, c'est, est-ce que ton mix, il est suffisamment golden splittable aujourd'hui? Est-ce que tu prends la chance de le faire? Est-ce que tu vas recommencer 7 fois, fait que finalement, t'as sauvé 0 seconde? Ah, c'est ça l'affaire. Hein. T'as des chances de sauver du temps, t'as des chances de pas sauver de temps. Hein. J'espère, Blob, que t'as fait une étude statistique pour savoir, genre, tout dépendant du ratio du degré d'acceptance de chaque bar, calculer les chances de réussir ton golden split ou pas, puis là, de décider si ça vaut la peine de le tenter ou pas. C'est ouais, j'ai pas fait ça parce que j'ai trop d'étalonnage et de gugus à faire de ce temps-ci, mais... forcément, ce serait utile. Mais en fait, j'essaie de pas trop dire cette technique-là. C'est un peu comme une technique secrète qu'on fait semblant qu'on fait pas, que personne n'a donné de nom à part moi. Parce que je voulais avoir un sujet pour le podcast, puis je trouvais que c'était quoi de cool. J'étais sûr que c'était un truc de speedrun quand tu as dit Golden Split, là. J'étais sûr que tu veux dire le Golden Split de speedrun. Ouais. Ouais. Mais c'est pas ça. C'est un speedrun. C'est un golden split de d'autres matériaux. Qu'est-ce que ça dit, Yana? Fait que, j'ai dit, c'est un terme qui est utilisé en speedrun? Oui. Ben, il y a des splits, ouais. Ouais, il y a des splits. La run est splittée en différentes sections, puis... Mais si t'en fais un golden, c'est que t'es vraiment, vraiment en dessous de l'objectif que tu t'étais fixé, là. Je pense que c'est un setting que tu peux mettre dans ton splitter pour dire, genre, OK, si je suis vraiment comme en dessous de l'autre... C'est comme normalement, ça va être vert quand t'es plus rapide que ton temps moyen. Mais là, si t'es gold, là, t'es comme vraiment plus rapide que ton temps moyen. Puis là, tu peux être fier. T'sais. Des fois, ça fait des couleurs arc-en-ciel, genre, au lieu d'être vert. C'est tout mon Mais non, c'était du splittage de choses granulaires, comme... Du trail mix. C'est ça. Du trail mix, des roches. Du sel, j'imagine. comme le gros sel. Ben ouais. Non, mais des graines de sésame. Mais sont ouais, mais ils ont toutes toutes la même aussi. Taille. Ouais. Non, mais dans ton trail mix. Ouais. Tu mets des graines de sésame mix. Dans ton trail mix, mais quelle espèce de démon! I don't know, là, j'essaie de trouver la métaphore qui va fitter avec ce que Blob nous parle, mais sans nous dire c'est quoi qu'il parle. Je vais pas guider de qu'est-ce qu'on parle. De la farine de coco, du PVT dans mon trail mix, hein? Arc! Du PVT. Arc! C'est bon, j'en ai déjà mangé. Sec! Ben oui. Ouais, la nutritionniste, elle nous a dit de mettre du PVT sec sur vos céréales si vous voulez rajouter de la protéine, qu'il n'y a pas beaucoup dans les déjeuners, autre que des jambons et des bacon quand tu vas au resto. Là. Ou se mettre des noix, il me semble, c'est ouais, bon. Ouais, ça marche. Ouais, mais c'est ça, dans tes céréales, t'as du lait, là. Ben, tu ouais. Mettre des noix, justement. Ouais. Ou garocher du PVT. Mais ça, ça goûte. Ça, c'est vrai que ça goûte un peu le cul, alors que des peanuts, ouais. C'est de la manche. Mais la nutritionniste, elle a dit que ça goûtait pas grand-chose. C'est mais sûr si que tu si tu mets ça dans chose, tes Fruit ouais. Loops, tu vas pas goûter le PVT, ça va juste ça. Goûter un peu moins sucré. Mais Narf qui a goûté tout seul, ça devait pas être Yob. Narf et les soupers simples. Aujourd'hui, c'est soit des toasts, soit des cuillères de PVT. Arc. Du PVT à la cuillère. Ew. En écoutant un film. Hey, non, mais j'aurais une bonne idée. Souper simple. Fais un petit bol de PVT. T'amènes le pot de miel. Tu trempes la cuillère dans le miel. Tu roules dans le PVT. Tu manges ça. Il y a probablement beaucoup de monde qui savent pas c'est quoi. C'est comme du tofu sec en petites granules. Ouais, c'est de la protéine végétale texturée. Quand tu le remets dans l'eau, ça ressemble à de la viande hachée. Ouais, un peu. C'est sûrement moi, à base de soya. Moi, je fais juste en foutre dans mes... Tu sais, je fais de la soupe, puis je fais juste comme... Hey, on goroche une tasse de ça là-dedans. Yep. Dans des mijotés. Des mijotés dans la mijotée, je vais garocher ça. Ça vient de créer une viande, puis ça coûte beaucoup moins cher. Puis dans des chili. Puis t'as pas un animal qui a souffert. Ah ouais, ça doit être écœurant dans un chili. Moi, j'ai découvert ça dans un chili. J'étais sûre que c'était de la viande, puis je savais que le repas était vegan, en fait. Comme je mangeais le chili, puis j'étais comme, ouais, voyons, comme, je comprends pas, là, il y a genre du bœuf haché dans ton chili, comme, hein? Puis c'était ça. Moi, ce que j'ai découvert, il y a quelqu'un qui m'a montré, en fait, la préposée au Bob Ross dans le chat. Ah ah! M'a montré une technique, parce que moi, quand je faisais du chili, je faisais juste comme... garocher du bloc. En fait, quand je fais du tofu, c'est toujours, je prends mon tofu, je le coupe en petits carrés, puis that's it. Toutes mes recettes, c'est, je coupe mon tofu. Puis elle a dit, hey, tu peux prendre une râpe, puis tu peux le râper. Puis j'étais comme, this is brilliant. Mm. Puis j'y ai jamais pensé. Ça dépend à quel point il est ferme. Ouais. Parce que oui, ben là, je me souviens d'une fois que, à mon autre job, on avait été obligé de cuber du fromage de chèvre, je pense, puis il était comme un peu crémeux. Ah non. Puis ça marchait pas faire des cubes avec ça. Puis mon boss, il est arrivé, puis il dit hey, c'est cool, check bien ça, demain ils vont nous demander de râper du yogourt. Gelé, ben. I guess? Ouais. Ça marcherait. Je pense que c'est ça qu'on avait fait aussi avec le chèvre. On l'avait mis au congèle pendant un bon bout de temps. Ouais, je pense que c'est la seule option, là. Pourquoi? Ou sinon, faut que tu te fasses un fromage de chèvre avec très très haute teneur en gélatine ou en agar-agar. Ça va être bon. Ouais. Tu vas des jujubes de chèvre. Du fromage à pectine. Ouais. Des jujubes de chèvre. Ben, c'est ce que tu veux que ça se tienne? Fucking drôle, dis-moi. Arc. Des bons jujubes de chèvre. Ils sont pas en forme de chèvre, là. C'est fait avec des chèvres. Ouais. Non, mais. Ben, du lait. Du lait de chèvre. Ouais, du lait de chèvre. Ouais, non, des jujubes de viande de chèvre. On tient peut-être un concept, là. Tu sais, on aime ça, les petites la vache qui rit, là. Imagine. Les fromages en jujube. Mais c'est de la cuisine moléculaire, là. Genre, je suis sûr qu'on peut wing it, là, pour dire que c'est de la cuisine moderne, moléculaire, fusion. Mais, hein. Là. Ah ouais. J'aimais ça, la cuisine moléculaire, jusqu'à ce que je comprenne que c'était juste de mettre de l'agar. Ah, il y a le sous-vide ben, aussi. C'est vrai, c'est... Ok, ouais. Il y a l'agar puis le sous-vide. Je pense qu'on fait le tour. Il y avait les meringues à l'azote liquide aussi. Oh! Ouais, ça c'était cool. C'était-tu moi, j'ai appris que la bière Guinness, quand tu la verses pour que, puis que tu regardes rapidement, tu vas voir des bulles dedans, mais les bulles, au lieu de monter, ils descendent. Ouais, ça parce fait... que le gaz qu'ils mettent dans la Guinness, c'est pas du gaz carbonique ou le gaz de Ouais! bière normale, c'est du je sais plus quoi. Mais c'est pas pour ça qu'il y a un C'est pas petit... de l'azote. Ouais, c'est pas pour ça qu'il y a une petite bille de métal dans la canne aussi. Il y a une Ouais. capsule en plastique, ouais, c'est Elle est ça. en plastique? Je pense. Je peux. Je Oui, sais il me pas. semble. Puis, je l'ai essayé, là. Ben, je ne recommande pas d'un coup que ça marche pas, mais je pense que tu rouvres la Guinness, tu la vires à l'envers, straight pipe, puis ça va remplir ton verre sans déborder. Tu vires la canette, là. Tu la comme garoches dans le verre. Elle peut pas mousser plus que ça, elle va pas déborder. Si, évidemment, ton verre est assez grand pour contenir le liquide, là. Mais parce que le gaz s'en va vers le bas? Ben, la mousse, elle arrête de monter. Genre, la bille, elle fait juste assez de mousse. Elle n'en fait pas plus. C'est pas genre une bière que tu peux faire déborder parce qu'il y a trop de mousse puis elle s'emballe. Ah non, c'est, ça shoot le gaz, je pense, de l'azote. Ouais, il me Puis semble que j'avais déjà entendu ça. oui, il s'en va vers le bas. Mais, non, honnêtement, je pense qu'il fait une convection puis qu'il remonte par le milieu. Mais je suis pas sûr. Tu le sais peut-être plus que moi. Je sais pas. Écoute, c'est quelqu'un qui m'a dit les bulles, ils descendent. Puis là, après ça, Ouais. j'étais comme, ben voyons donc, c'est donc ben cool. Puis là, j'étais comme, ah, ok, ben, mon père, il aime ça, la Guinness. Fait que prochaine fois, je vais chez eux, je vais y en demander une. Mais là, finalement, j'étais allé dans un bar, puis là, il y en avait. Puis là, j'ai fait, je veux une Guinness. Mais t'es Puis là, en j'ai bouteille ou expliqué t'es en ça. tap? Non, non, en canette. Ok. Je pense pas que tu puisses l'avoir en tap, Ouais, non, j'imagine. Oui, j'avoue. ça arrive. Ouais, Ça ok. arrive, je l'ai essayé, Parce que puis ça doit être différent. il rajoute la mousse, il rajoute l'azote. Ah, doit être... L'azote est dans le fût. Ah Oh. ouais, ok. Comment que la bière, elle sort du fût? Il y a du gaz dans le fût qui pousse la bière. Oui. Oui. Ben, d'habitude, c'est du CO2, j'imagine. Probablement. Semble Ah, que mais oui. dans le fond, c'est ça la solution pour le gaz à effet de serre. Tout le monde, on s'achète plein de fûts, des bonbonnes de CO2, puis on les garde chez nous, puis on les ouvre jamais. Puis on va Hein? régler le... Comment On va ça? régler le... On va Ah, régler tu veux le dire on problème va du gaz à effet de séquestrer, tu serre. veux dire on séquestre, Oui, on Naf, séquestre chez sauf nous, que ok. tout le transport de tout Aïe amener les aïe. fûts chez tout le monde va dégager plus de CO2. Chut, Ouais. on va Chut, stopper. chut, chut, chut, chut, chut, chut. Ah. C'est le plan. Mais je pense comme un vrai politicien. Comme les Très conservateurs bon. aux élections. Comment vous allez régler la crise climatique? Nous allons utiliser les technologies pour avancer la science qui va trouver les solutions pour régler la crise climatique. Je pensais que t'allais dire, je vais faire comme les politiciens, c'est-à-dire mettre ça, mettre la balle dans la cour de tous les citoyens pour leur demander de faire leur part, au lieu de demander aux compagnies de faire quelque chose. Que là, tout le monde va avoir son petit, sa petite citerne de séquestration de CO2 en arrière de chez eux parce que les citoyens doivent faire leur part. Mon Dieu, on dirait la graine d'Angleterre quand c'est toi qui le fais. Mais ça se peut pas, Narf. Est morte. C'est vrai. Ça. Et puis là. Hein? C'est vrai Pourquoi pourquoi qu'on les a eu zéro T-Rex peuvent pas nouvelle faire de du. push-up? Hein? Pourquoi les T-Rex peuvent pas faire de push-up? Parce qu'ils sont morts. C'est ça. Je m'excuse de vendre la punch. C'est juste que j'ai Ah. vu ton thread puis la joke des T-Rex, ça revenait au moins trois fois. Ouais, ce thread-là sur le Discord, il y avait beaucoup de la même blague, mais pas pareil, Il y en sauf avait beaucoup pareil. des fucking bonnes, par exemple. Ouais. Fait Comme que... Je si l'ai pas t'empiles lu. tous les éléphants au monde, un par-dessus l'autre, ils vont pas aimer ça. Est-ce que c'est con? Qu'est-ce qu'on disait là? Pourquoi qu'on disait Y tout a un ça? côté d'un chat qui a plus de poils que l'autre. C'est ah, l'extérieur. Ouais? C'est le côté oh. extérieur. Calice. Oui. Ah, I hate it. Oh my god. Ça nous rappelle qu'on est tous des tubes. Oui. On est tous des beignes. Oui, un tube, c'est un beigne. Ouais, un tube puis un beigne, c'est pareil. Comme une paille. Et là, combien qu'il y a de trous dans la paille. Le tube. Un. Bravo! Je m'en rappelle plus, mais ouais, je pense un. Que c'est un. Ouais, c'est un. Pas mal sûr que j'ai vu une vidéo de là-dessus. Ah, t'as fini par l'écouter. Ouais. Une ballonne, ça a moins un trou. C'est pas juste zéro, parce que tu peux le flat puis faire un disque avec, genre? Non, parce qu'il y a deux côtés. Tu peux pas juste comme le flat, les deux côtés continuent d'exister. Oh, mais là! T'es en train de défusionner la membrane de la ballonne pour la... Oui, c'est la ballonne, elle a moins un trou, parce que si tu fais un trou avec un crayon, là, elle devient comme un cercle qui a zéro trou. Fait que quand elle était en sphère, elle avait moins un trou, parce que tu viens d'en fournir un, puis elle tombait à zéro. Ah, je pensais que ça veut dire une ballonne que tu souffles. Fait que là, j'étais vraiment confuse, là. Ouais, non, imagine une un sphère. Ballon fermé. Je voulais dire... Ouais. Je voulais dire une sphère. OK. Oh, ouais, je pensais ouais. une ballonne que tu... La ballonne ouverte, elle a effectivement zéro trou. Là. Oui, c'est ça. C'est pour ça que et je ça, dis... C'est ça, la raison pourquoi il ne faut jamais faire des jokes avec un mathématicien. Mm-hmm. Parce que... Comme... Mais le next step, c'est le t-shirt, là. Allez voir des shows d'humour de la relève... mais n'allez pas le voir si c'est un mathématicien parce que vous allez pas trouver ça drôle. Pourquoi pas? Les vidéos de Matt Hollinger sur YouTube, c'est genre vraiment excellent. Matt oui, Parker mais... est très drôle aussi. Ouais. Ah, ouais, bon. C'est-tu lui stand-up Matt? Ouais. Oui, ouais, mais c'est faut être un fucking nerd, là, Narf, là, comme genre. Mais c'est ça! C'est comme ah, c'est drôle si tu connais les maths, si tu connais pas les maths. Ouais. Mais c'est comme ben... le journal que j'ai partagé aujourd'hui que j'ai reçu que je suis full hype, là. Tu sais, j'ai envoyé la photo à un de mes amis qui dit genre. Ça sonne comme vraiment beaucoup de jokes que je comprendrais pas. Ouais. j'ai survolé les titres, pis j'étais comme, OK, that's above my grade. Ah, c'est vrai ça qu'il m'a dit, j'étais comme, ah, non, c'est vrai. Mais pour quelqu'un qui est un scientifique, c'est si drôle! Ouais, ouais. Je veux dire, c'est comme lire des jokes de développement de jeux vidéo. Oui, c'est ça, ouais. Mais Narf, j'ai l'impression que t'as regardé un humoriste de la relève qui faisait des jokes de maths pis t'as pas compris. Non. Ah. Oh. Non. Sad. Ouais. C'est sûr que c'est pas... c'est pas toutes les... Mais c'est parce que Matt Parker, il fait de l'infotainment. Comme, il te l'explique, ouais. La joke. Ouais, quand même, oui, là. Mais je sais pas à quel point il dumb down suffisamment pour que tout le monde comprenne, je sais plus. Mais comme je suis pas mathématicien pis je comprends. Ouais, mais je devrais pas comprendre autant si c'était si compliqué. On est en STEM quand même, là. Ouais. Mais c'est vrai qu'il explique des concepts vraiment complexes, puis les dumb down vraiment beaucoup, là. Mais On est des tiges. Ouais, on est des tiges. Parlant de science, tant qu'à parler de n'importe quoi, je vais essayer de ramener ça sur les jeux vidéo, parce oui. que là, je relisais mes notes sur... Parce que là, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast, comme on a fait des lives, mais on n'a pas fait de podcast. Puis je vois que sur la feuille de route, j'avais mis plein de notes à propos de Jet de Far Shore. Oh, shit! Ah ouais, t'as traversé ça? Ça fait longtemps que je l'ai joué, puis je l'ai pas encore fini, mais j'ai noté des affaires, puis là, je regarde ça, puis je suis comme, ah, c'est très scientifique comme observation, fait que je vais les lire. Parce que je m'en rappelle plus, fait que je peux pas en discuter, je peux juste en parler. Okay. J'ai écrit que l'ambiance, c'est comme la NASA qui vont explorer une planète, mais au lieu d'avoir l'approche scientifique, ils ont l'approche mythologique. Ça fait penser aux épistémologies du Sud. Il y avait eu un sujet à l'émission Epistémia sur CISM, et l'invité disait... On s'est pas intéressé au fait que certaines tribus avaient découvert des affaires sur l'astronomie parce qu'ils l'ont pas fait d'une manière avec notre logique occidentale. Mais en réalité, ils avaient découvert les mêmes choses, c'est juste qu'ils l'ont fait d'une manière, c'est ça, un peu mythologique. Qu'on a considéré qu'ils étaient pas aussi valides. Hein. C'est ça. J'ai dit mythologique, mais en fait, c'est pas le... je me rends compte que c'est pas le bon mot, parce que plus mythologique... Ah, oh, mais moi, j'aimais ça. Mais, dans le sens mystique. OK. Ouais, ouais, ouais, mystique. Où est-ce que, justement, c'est pas scientifique, c'est comme plus religieux. Il y a un aspect rituel religieux dans ce jeu-là qui est très présent. Huh. Je l'ai écrit... Ah ouais, attends, ben là, ça continuait. Ils passent beaucoup de temps à analyser leurs hallucinations. Comme ils ont des hallucinations, ils font des rêves, puis ils vont passer beaucoup de temps à en discuter puis à essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais comme, c'est tout des scientifiques. Mais des rêves puis des hallucinations, c'est pas la même affaire, hein? Ben, c'est quoi la différence c'est en ce cas-ci? C'est un peu les deux dans le contexte du jeu, là. Puis leur recherche, c'est basé sur c'est tout basé sur une espèce de prophète. T'sais, ils vont parler du prophète machin qui a écrit des phrases. Puis c'est comme si la NASA allait sur la Lune en se basant sur la Bible ou ou l'Ancien Testament pour aller. T'sais, ils vont sur la Lune puis là ils sont comme genre on va aller valider l'Ancien Testament puis là comme on va ouvrir notre esprit à la parole de Dieu. Puis c'est comme genre ok cool. Mais comme comment vous avez fait pour vous rendre sur la Lune puis genre comme à nos yeux d'aujourd'hui, c'est comme je joue à ce jeu-là puis je suis comme il me semble tu sais vous êtes allé sur une autre planète, pourquoi vous l'explorez pas de manière scientifique au lieu de genre d'analyser vos hallucinations puis vos rêves. Mais en même temps comme pourquoi pas. Ouais, c'est super beau. Ils ont comme réalisé le projet de la décroissance. C'est... Ils vont pouvoir faire ça pendant beaucoup plus de milliers d'années que s'ils essayaient de tout savoir tout de suite. De façon systématique. Écoute, je suis pas trop sûr parce que si j'ai bien compris le jeu, ces scientifiques-là sont mis dans une dormance puis envoyés dans l'espace. Se rendre sur une autre planète, ils dorment pendant genre 10 000 ans. Fait que, on sait pas trop s'il reste des humains après ça. Ouais, ok. Moi, je le vois comme s'ils sont habitués de faire ça depuis longtemps, puis comme, oui, ils continuent de perdurer. Ben, c'est vrai que comme ils sont très humbles. Tu sais, toi tu parlais de genre enfin l'approche scientifique puis comme tu sais nous on arrive en mode colonialisme. Ouais, en mode exploitation. Où est-ce que on veut ramasser des choses, observer puis noter puis on était pas là pour respecter, on était là pour être en mode exploitation. Là. C'est ça. Puis eux autres sont plus en mode c'est comme rituel. Rester humble. C'est comme ils regardent la montagne, ils sont comme genre, il faut respecter la montagne, il faut. Puis là, ils en parlent comme si c'était un être vivant, comme si c'était une divinité. Il y a des trucs qui sont inexplicables, ils regardent ça, puis ils voient, ils comprennent pas, mais ils restent à observer l'inexpliqué. C'est toute une ambiance, ce jeu-là. Puis là, j'en parle, puis je suis comme, faudrait même que je retourne pour le finir. Ben oui. C'est juste que là, en ce moment, je suis vraiment dans... J'ai commencé Anarchute. Puis je joue beaucoup à Mind Industries. Ah oui, que tu nous avais parlé. Le jeu de... La semaine passée, je pense. L'espèce de RTS que tu connectes des usines pour faire de la production. C'est vraiment le contraire. T'arrives sur une planète, puis là, tu fais juste tout ramasser les ressources. De manière optimale, en mettant des lignes de convoyeurs, puis en construisant des tanks pour aller attaquer les autres. Capitalism, bitches! Ouais. C'est le fun comme jeu, mais... Ouais. Les jeux vidéo, c'est pour vivre nos fantasies. Ça me fait penser à ce jeu tout en hexagone, où est-ce qu'il fallait comme que tu mettes des industries partout, puis comme c'était multiplayer. Civilisation! Non, c'est un... Darwinia? Non, c'est un genre de jeu de table. C'est C'est un jeu vidéo, mais c'est organisé comme un jeu de table. C'est juste que ce jeu de table-là serait un chiard à réaliser avec du vrai matériel. Fait que c'est un jeu vidéo. Parce que dans le fond, à mesure que t'exploites les cases, ils s'écroulent pour vrai. Fait que t'es littéralement en train de tout péter la planète. Ouch. Ah oui, tu parles de... Ah mon dieu, ok. Essaye de tout péter la planète plus autour de tes opponents pour qu'eux, ils tombent dans le ravin pour toujours. Qu'il reste juste toi à la fin. Hey, j'ai la soundtrack dans la tête en ce moment. Mais le message de tout ça, c'est que, évidemment, là, c'est bon, t'as gagné. Fait qu'il te reste un petit coin, là, que tu vas exploiter jusqu'à temps que toi, tu vas tomber dans le trou aussi. Hey, je sais pas, pantoute, c'est quoi? C'est un jeu comme. C'est plus comme Risk, mettons, que Civilisation. Tu places des unités, puis t'essaies d'attaquer les autres. C'est juste qu'à chaque fois que t'attaques, toute la planète est des tuiles, puis là, quand t'attaques, ça fait descendre le terrain de 1. Fait que c'est des stacks, puis là, tu vois, OK, cette case-là, elle a 4 de haut. Cette case-là, elle a juste 1 de haut. Fait que si tu fais une attaque sur ce terrain-là, tout ce qu'il y a dessus à la fin va s'écrouler dans le trou. Fait qu'il va mourir. Fait que c'était beaucoup de gens. T'avais 3 sortes d'unités, il me semble, puis là, t'attaquais... En essayant de prédire, OK, ça, je vais attaquer là, ça va avoir un effet de chaîne, ça va tout faire écrouler cette pente de terrain-là, fait que là, il pourra pas m'attaquer par là, puis c'était des games quand même assez courtes, là, c'est comme... Mais on se rappelle pas du mot du titre de ça. C'est Corp quelque chose, c'est quelque chose Corp. Ah, ouais, là, ça me dit quoi? Greed Corp? Greed Corp. Greed Corp! Hey. À 3, on va y arriver. Mais comment ça, je sais ça? Aucune mais je pense idée. Que j'ai joué aussi. C'était bon. Oui. C'est oui, un vieux jeu d'Indie Bundle. C'est un bout, là. C'est ça, c'est dans le temps qu'il inventait ça, les jeux indie, là, en 2010. Là, je m'en souviens. Date de parution, décembre 2010. Greed Corp. Je connais tout, sauf le titre. Ouais. Ben, ouais, t'as, c'est ça, moi. Fait que t'avais tes tuiles de terrain qui avaient différentes hauteurs, puis t'attaquais, puis... C'était bon. Ça, faire des jeux indie un peu dark, comme ça. World of Goo aussi, c'était quand même dark. Ouais. Oh, ouais, World je of vois Go, que Gab puis Louis aussi l'ont. Ça ah, doit faire longtemps ouais. À Nesty qu'on a joué à ça. Oh, j'ai joué 10 heures. J'avais fait un peu la campagne, là, dans le fond. Puis j'avais joué en multiplayer avec mon frère et ma sœur. Mais c'est le genre de jeu que s'il y a un joueur qui a beaucoup de pratique, ben il gagne. Ouais. C'est parce que les mécaniques sont quand même complexes. Fait que, tu sais, si eux autres avaient fait le tutorial autant, puis la campagne autant que moi, il y aurait eu plus de pratique. Je me souviens quand même que c'était tough. Puis ça finit souvent très serré où est-ce que genre. Tu regardes, puis là, comme, il reste 2 tuiles. Puis comme, t'as toute la map s'est effondrée, il reste juste 2 tuiles. Puis t'es comme, bon, allez. Parce que, ah oui, je pense que pour faire de l'argent, tu pouvais construire des usines. Puis l'usine, elle pète tous les terrains autour. Puis ça te donne, plus elle pète de terrain, plus ça te donne de l'argent pour que tu puisses avoir plus d'usines. Oui, c'est là que j'ai pris ça. Mais... ça pète le terrain. Fait ouais. T'es en train de péter le terrain pour pouvoir construire plus d'armées, pour pouvoir attaquer l'autre, pour péter son terrain, pour pouvoir péter ses usines, péter ses unités, puis... personne gagne. Puis à la fin, tout est pété, puis il reste juste une tuile, puis là, c'est comme « Ah, oh, j'ai gagné! » Mais il n'y a plus de planète. C'est fou. Ouais. C'est un bon concept. C'était vraiment... Ça s'appelle Greed Corp. Hey, on a parlé d'un jeu vidéo. Pas le meilleur jeu à cause justement des problèmes que la personne un peu habituée, elle va juste comme clencher tout le monde. Puis ben, des fois, c'est vraiment dur d'évaluer l'impact que ça va avoir, qu'est-ce que tu viens de faire. Là. Ouais, mais en même temps, c'est comme si quelqu'un faut le jouer à risque, puis toi, tu viens juste de commencer, ça, tu vas avoir le même problème. Ou est-ce civilisation, c'est toujours le même problème. C'est juste que... aurait fallu peut-être un mode. Peut-être que, dans le fond, j'aurais juste dû jouer en coop avec mon frère puis ma sœur contre le AI, mettons. Ouais. Je sais pas trop. Excusez, je trouvais pas mon chat, j'ai comme paniqué en me disant coudonc, je l'ai oublié dehors depuis le début du podcast. Non, c'est correct. Elle est dans mon lit. C'est bien correct. Tout va bien. Les chats passent. Fait que c'est pas mal ça, je pense, pour la fin du podcast. Avez-vous un petit mot de la fin, peut-être? Juste comme une plug. Qu'est-ce que j'ai joué que je pourrais montrer? Moi, je joue à Ocarina Randomizer de ce temps-ci. J'ai déjà fait Zelda Link to the Past en Randomizer. J'ai fait Super Metroid. J'ai fait le vieux Metroid. Là, je suis rendu dans Ocarina of Time. Cool. Puis, ouais. Vous l'avez su, ceux qui ont écouté l'autre live, j'ai randomisé des affaires que j'aurais peut-être pas dû, comme la musique. J'ai randomisé du texte. Fait que là, à un moment donné, je suis dans un magasin, je regarde un item pour savoir si je vais l'acheter. Puis au lieu qu'il y ait la description avec le prix, c'est écrit « Meurrr ». Fait que tu sais pas c'est quoi le prix. C'est drôle. Non, tu sais pas c'est quoi le prix. Ah! Mais si t'as joué assez au jeu, tu sais c'est quoi les prix des choses dans les magasins ou en tout cas. Ben, moins que ce soit randomisé. Ah, ça c'est un autre problème. Je ne suis pas rendu là, mais oui, tu peux. Oh my god. Alright. Fait que, ouais, tu verras pas les prix. Ben, le jeu, il va mettre les affaires importantes. Fait que j'imagine que si tu le mets en mode mélange les magasins, il va te montrer les prix parce que ça a plus de bon sens, là. Ouais. Parce que quand il mélange les magasins, il peut littéralement te mettre une pièce puis te le faire payer 170. Fait que, comme c'est vraiment important de voir les prix. Fait que j'imagine que là, il passerait par-dessus. Peut-être, ouais. Sinon, vous autres? Moi, je joue à Fallout 4. Encore beaucoup, ce temps-ci. Yeah. J'essaie de clencher ça. Mais c'est parce que c'est un jeu qui a beaucoup trop de contenu. Comme je passe des heures dessus. Là, puis, oui, j'ai un beau petit chien, puis c'est le best. J'ai une dissertation complète sur pourquoi est-ce que c'est le best, le chien. Fait que, mais qu'on aille le temps il de changer. Il ressemble au mien, en plus. Ben oui, c'est un German Shepherd. C'est la même couleur que Lana. Ben oui. He's the best boy, c'est le best compagnon que tu peux pas espérer d'avoir dans ce jeu-là. Fight me. Puis ouais, c'est ça. En tout cas, bref, je m'étalerai pas là, mais j'ai une dissertation complète sur pourquoi Dog Meat is best. Je vais pas te fight parce que Dog Meat pourrait me mordre. Ouais, aussi. Non, he's a good boy. Mais si je te fight. Sorry. Mais c'est ça, c'est un open world vraiment gigantesque dans lequel il y a beaucoup trop de contenu. Fait que genre, je passe des heures dessus en me disant que donc je vais bien finir par faire le tour, puis je suis vraiment très très loin de faire le tour parce que c'est un fucking sandbox open world avec des quêtes répétables somehow que je m'étais comme pas rendu compte, mais il y a des quêtes répétables. Fait que comme tu génères du contenu en plus pour être sûr que genre t'as tout le contenu. En tout cas, faut vraiment que je fasse attention pour genre. Comme je veux voir, tu sais, je joue à un jeu comme ça parce que je veux voir le storytelling, puis que je veux voir tout le dialogue, tous les dialogues, etc. Mais comme, définitivement, les quêtes répétables, c'est pas quelque chose qui est genre si important que ça, là. Fait que, mais tu sais, je sais pas trop ce que je m'en veux, là, puis j'essaie de consulter des guides pour justement, comme, essayer d'avoir la meilleure expérience en un seul playthrough. Mais c'est un jeu dans lequel tu peux choisir des factions, puis il va falloir que tu fasses un choix à la fin, fait qu'il y a pas moyen de tout avoir dans un seul playthrough. Fait que, bref, j'essaie d'en faire le plus possible, puis ce qui va me manquer, ben j'irai le regarder sur YouTube après. Mais c'est bien le fun, c'est quand même, je comprends le. C'est sûr que je joue à Fallout 4 comme 10 ans après sa, non, peut-être 8 ans après sa sortie, donc il y a eu beaucoup de corrections de bugs qui ont été faites entre le moment que je joue et le moment qui est sorti, donc évidemment je me fais vraiment moins chier que les gens qui ont joué quand ils étaient neufs. Mais il y a quand même plein de bugs. Avec les jeux immenses de même, c'est ça qu'il faut faire, là. Tu joues 10 ans plus tard, puis tu vas avoir un peu plus la paix. Ouais. Puis il y a quand même des bugs. Mais c'est un bon jeu, là. Je comprends l'engouement, je comprends l'intérêt. De tu peux quoi? Te faire une maison, hein. Je sais pas si t'as fait une tu petite maison. Tu fais des villes. Ah, ok. Tu te fais des villages complets. Tu peux te faire plus qu'une maison. Tu peux mettre ton monde dedans. Ouais. C'est The Sims. Ouais, c'est ça, il y a vraiment moyen de perdre beaucoup de temps là-dedans, puis c'est que c'est quand même un peu optionnel. C'est ça qui arrive, c'est vraiment un Christy du gros jeu, mais ils mettent vraiment plein de systèmes, puis ils sont pas tous obligatoires, là. Il y en a qui sont optionnels, fait que c'est vraiment à toi de voir si ça tente de perdre slash passer du temps dans ces systèmes-là. Puis comme moi, j'essaie de tout faire, puis de tout voir, ben comme c'est ça. Ça fait 75 heures que je joue, puis je suis vraiment pas très loin dans la story. Tu sais, Anne-Marie, tous les jeux, c'est des quêtes optionnelles. Je sais, mais tant qu'à m'être engagé dedans, tu sais. Tous les jeux, c'est des quêtes optionnelles. C'est rendu un sunken cost fallacy. Ah. Faut que je fasse tout, là. Hey, j'ai 75 heures dedans, là, puis je viens de commencer le deuxième chapitre. Calisse. Anne-Marie, je pense que tu as un problème. J'ai peut-être un peu un problème. J'ai une chance que t'es pas reviewer de jeu qui donne des scores puis le temps que ça prend à compléter le jeu. Ah, vraiment? T'aurais tout le temps comme, ah, ça c'est un 1000 heures, celui-là. Je suis curieuse de savoir, par exemple, How Long To Beat, il donne combien de temps? Je suis même pas sûr que j'ai joué 1000 heures à Monster Hunter World, qui, je pense, c'est le jeu où j'ai cumulé le plus d'heures sur Steam. J'ai jamais joué 1000 heures à un jeu, là. Jamais. Je pense que j'ai fait 600, 700, peut-être. Ah, oh, j'ai clairement joué 1000 heures à Heroes of the Storm. Ouais. Non, je pense vraiment ouais, pas... Ouais, mais t'avais pas un problème à ce moment-là, fait que... Même plus façon de parler. 81 heures. Oups. Je pense que t'as eu du fun un certain temps, pis t'as eu le courage, ouais, disons, de dire « Ah, c'est Thomas ». J'ai eu du fun longtemps. C'est juste que là, le dernier mois était de trop. Comme, mais j'étais... T'sais, mon un mois, c'est pas c'était super. Bon. C'était la pandémie. Il y en a qui restent des années à s'ennuyer. Un mois sur 5 ans, c'est sûr. Fait que... Ouais. Yeah, ben c'est pas mal ça qui termine le podcast. Si ça vous intéresse d'être là avec nous la prochaine fois, vous abonner. On est sur sur PeerTube, Twitch, YouTube et sur Apple Podcast. Vous pouvez nous trouver facilement partout. Yes. Tous les liens sont sur notre site web, onajusteunevie.ca. Vous pouvez nous envoyer des emails à bouffe@onajusteunevie.ca. Vous pouvez nous donner 5 étoiles sur votre application de podcast. Si vous voulez continuer à jaser avec nous, on est sur Matrix et sur Discord. Les liens sont aussi sur notre site. Merci à Blob et Anne-Marie d'avoir été avec moi ce soir. Et on se retrouve la semaine prochaine parce que... On a juste une vie.